Suite à un incident mécanique, je circule à 40 km/h. Je peux circuler dans cette voie? Oui, réponse A. Non, réponse B.